réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mardi 10 novembre. Au programme de votre réveil culturel, tout d'abord notre série. Depuis hier, Liliane Kerjean nous parle d'Arthur Miller. Dans un instant, l'épisode numéro 2 consacré à l'engagement de l'écrivain Arthur Miller. Et puis en deuxième partie, le dessinateur, illustrateur et peintre François Avril sera mon invité à l'occasion d'une exposition qui a lieu à la galerie Huberti Berne jusqu'au 22 novembre au verre de Window. Arthur Miller. I wrote Death of Salesman at the beginning of the greatest boom, probably in world history. I knew the boom was going on, but I was not alone in thinking in 48 when I was writing it. The reality was depression. The reality was the whole thing coming down in a heap of wood and cinders. Arthur Miller, un Américain sur le qui-vive, par Liliane Kerjean, professeure des universités à Rennes, agrégée de lettres, spécialiste de littérature américaine. Bonjour Liliane Kerjean. Bonjour. Vous avez écrit aussi bien sur Truman Capote que sur Scott Fitzgerald ou Tennessee Williams. Et bien sûr, Arthur Miller, aujourd'hui, deuxième épisode, l'écrivain engagé. Liliane Kerjean, avant les problèmes liés à ses prises de position politique, avant la liste noire, avant le macartisme, Arthur Miller est déjà repéré comme un Américain engagé politiquement, Liliane Kerjean? Il est engagé très tôt dans sa vie d'étudiant, puisqu'il couvre une grève aux usines Ford. Et au cours de sa vie, il va être délégué à la Convention nationale démocrate à Chicago en 68. Il va être en 69 celui qui va refuser d'être publié en Grèce pour prendre ses distances avec le régime des colonels. En 70, il écrit le scénario d'un petit film, The Reason Why, sur le massacre de My Lai au Vietnam. Et il est encore délégué à Miami, il s'engage dans la campagne présidentielle du démocrate McGovern. Donc constamment, il est sollicité et il va dans les grandes manifs contre le Vietnam à l'université de Yale. En 2002, avec beaucoup d'ironie, il publie un essai qui est couronné par le prix des Asturies et qui s'appelle « Ces comédiens qui nous gouvernent ». En parlant de Reagan, qui est un comédien de souche, mais aussi des autres. Donc, il a toujours un œil critique sur la société. Il est toujours repéré comme engagé. Il va à la conférence de la paix au Waldorf Astoria. Donc, il va toujours être sur le qui-vive. Diriez-vous que son écriture est tout aussi engagée? Son écriture est engagée dans la mesure où il parle des grands épisodes qui ont fait les mouvements de l'Amérique. Il est impliqué de manière majeure dans 3 épisodes. En 56-57, le macartisme, donc la chasse aux communistes. Alors bon, on sait qu'à cette époque-là, aux États-Unis, c'est l'obsession du complot. Dès 1946, Truman avait créé une commission pour enquêter sur la loyauté des fonctionnaires. Ensuite, il y a le procès des leaders communistes. Et finalement, en 52, le sénateur McCarthy, qui est un sénateur assez de second plan, finalement prend du galon en présidant la commission d'enquête sur les activités anti-américaines. Et ces activités anti-américaines visent tout particulièrement le milieu des intellectuels et des artistes. Et sont suspectés et inquiétés à la fois Charlie Chaplin, Losey, Dassin, Kazan, Arthur Miller évidemment. Et tout ça va provoquer un engrenage de délation. Donc ça, c'est un des thèmes aussi du théâtre de Miller, la délation, la trahison. On n'en a pas parlé hier, mais Arthur Miller, en 1952, est déjà connu puisqu'il avait obtenu du succès le prix Pulitzer et du succès avec sa pièce « Mort d'un commis voyageur ». C'est en 1949 qu'a eu lieu la création à Broadway. Oui, et elle a été immédiatement reprise à Londres. Donc, la langue américaine et anglaise se communiquent sans arrêt, si bien qu'il est un écrivain majeur à Londres également. À chaque fois qu'il y a Broadway, on a aussi une grande première à Londres. Comment vous analysez cette pièce « Mort d'un commis voyageur » Liliane Kerjean ? Alors, c'est à la fois donner un rôle tragique aux petites gens. Il s'agit d'un employé vieillissant qui est de moins en moins performant. Donc, on a tout de suite le thème du rêve américain. On a également le thème de la famille, le père et ses fils. Et en même temps, la trahison, puisque le commis voyageur a une petite amie lorsqu'il va en tournée à Boston. Donc, tout ça va se fédérer. Et la mort d'un commis voyageur, c'est au fond la chute du rêve mercantiliste américain. Et c'est l'accession au rôle tragique d'un homme ordinaire. Alors, de remettre en cause le rêve américain, c'est une chose, mais de là à taxer Arthur Miller de communiste, comme va le faire McCarthy quelques années plus tard, j'arrive pas à comprendre, même avec le recul. Parce qu'il a signé beaucoup de pétitions de soutien, il a aussi donné de l'argent, il a été même sollicité Tennessee Williams, qui est son ami dans la vie réelle, pour qu'il donne de l'argent pour un fonds pour qu'il émerge des candidatures dans le Bronx et à Brooklyn. Donc toujours il est reconnu comme actif, comme militant. Il est actif, d'accord, il est peut-être un auteur travaillé par la question sociale, même si ça se disait pas à l'époque, mais comment, une fois de plus, j'insiste, peut-on le soupçonner de communisme? Car, et ça vous le savez, Liliane Kerjean, Arthur Miller était tout à fait banni des théâtres soviétiques. Il était banni des théâtres soviétiques, mais en même temps, lorsqu'il était à New York, il paraissait un rouge, ou du moins en sympathie avec les Rouges. Et on pensait qu'en attaquant Arthur Miller, d'une part, ça le faisait descendre de son piédestal, mais aussi, il allait pouvoir renseigner. Et là, on faisait totalement fausse route, parce que Miller a été exemplaire au cours du procès, et il n'a donné aucun nom, si bien qu'il a été condamné pour outrage à la cour, à une amende et à de la prison. Et il a fait appel, et ce jugement a été cassé l'année suivante. Alors, pour avoir un parallèle à cette position d'Arthur Miller, pourquoi, il y a 15 ans, a-t-il dénoncé son ami Miller ? Mais il y avait énormément de dénonciations, dans la mesure où on perdait son emploi, on était parmi les 10 de Hollywood, on était sur des listes noires. Donc, Elia Kazan, qui s'était construit à la force du poignet, ne comptait pas lâcher prise et il comptait garder ses emplois. Miller a été, par exemple, approché par ses producteurs en lui disant « pas d'histoire, sinon on ne travaille plus avec vous ». Donc Kazan voyait que la NAS se refermait, et s'il ne collaborait pas avec la justice, il paraissait être en cheville avec des gens soupçonnés de déloyauté vis-à-vis des États-Unis, il n'allait plus être sollicité comme metteur en scène. Et dans l'Amérique du début des années 50, je suppose qu'il y avait aussi d'autres intellectuels, des journalistes qui partageaient les mêmes idées qu'Arthur Miller. Comment l'œuvre a-t-elle servi le discours engagé d'Arthur Miller, Liliane Kerjean ? Mais son œuvre, d'abord, prend des petites gens à qui il donne une stature qu'il n'avait pas. Son œuvre ne se réfère pas à la tradition européenne ou à la tradition classique, de manière tout à fait délibérée, si bien qu'il veut construire une littérature de son temps et avec le peuple qu'il a sous les yeux, puisqu'on se souvient qu'il a aussi fait des petits métiers, donc les manutentionnaires de « Je me souviens de lundi », le commis voyageur, il avait des oncles commis voyageurs, donc c'était des gens qu'il connaissait dans la vie réelle. Et enfin, ils accédaient à la scène. Il devenait un personnage, alors que dans ses articles qu'il a fait sur les dieux grecs, il disait que la mythologie ne faisait droit que aux légendes et aux grands personnages. Lui, délibérément, va mettre des gens du peuple sur la scène. Donc, il y a un effet de miroir immédiat entre la scène et le public. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire ça de tous les auteurs de théâtre ou des scénaristes pour le cinéma? On parle toujours des gens du peuple. On ne parle pas toujours des gens du peuple. Je veux dire, O'Neill, qui a eu son prix Nobel et qui a... inventé le théâtre américain, a commencé par des pièces qui étaient inspirées par la tradition grecque. Par exemple, le deuil si est Électre, ou bien une transposition de Phèdre dans le désir sous les ormes. Donc les modèles de O'Neill, au départ, étaient les Grecs, les grandes tragédies. Meller a décidé que ça, c'était terminé, que O'Neill avait très bien fait de faire connaître le théâtre américain et que le prix Nobel était un hommage au théâtre naissant en Amérique, mais qu'il était désormais hors de question de faire autre chose que du théâtre à partir du sol américain sur les problèmes des Américains. Est-ce qu'il a théorisé ce choix radical ? Il théorise pas beaucoup, Meller. Il l'a fait un peu dans son autobiographie qui est très copieuse en 87. Mais en fait, il préfère faire des articles de journaux sur une question, sur la culpabilité, sur la responsabilité. Qui le publiait? Alors, il a porte ouverte partout. Hein. Life fait des reportages sur lui. Alors, quand il vient en France, Libération, tous les grands journaux. Et puis, le New York Times prend ses articles dès qu'il en fait un. Donc, il est plutôt de gauche. Enfin, d'ici, c'est plutôt de gauche. Oui, bah, il est démocrate et il milite au Parti démocrate. Alors justement, parlons de cet engagement. Comment l'engagement de cet auteur, un engagement politique, va-t-il devenir un engagement partisan ? Alors, il va se dire, par exemple, quand il prend la présidence, il est élu à la présidence de Penn International, qui veut dire, Penn veut dire poets, essayists et novelists. Donc, c'est un acronyme. Il prend un mandat de 4 ans parce qu'on le persuade et il dit, peut-être je vais pouvoir sauver des gens. Et effectivement, il est très actif là encore. Lorsqu'il prend son mandat, il écrit un article dans le New York Times Magazine, « Notre culpabilité face au monde ». C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culpabilité. Et puis, il intervient pour le Nigérian Soyinka, il intervient pour Arabal, il intervient en Afrique du Sud, en Corée, il essaie de désenclaver les Russes. Il voyage beaucoup. Et donc, il essaie de briser l'isolement, il est disponible, il se porte garant pour aider les familles, pour les faire sortir de prison. Donc, il est très actif quand il prend un mandat. C'est pas simplement pour le titre de président. Est-ce qu'il a soutenu un candidat à la présidence américaine? Oui, le démocrate McGovern, qui n'a pas été élu. Pourquoi? Ben, il l'a soutenu parce qu'il avait ses idées des démocrates et plutôt de la gauche des démocrates. Pour autant, d'ailleurs, il a été invité à la Maison Blanche du temps de Jackie et Kennedy, qui avait comme politique une grande communication sur la culture américaine. Et c'était donc l'année qui suivait, quelques années après son procès. Donc, il était très heureux d'être invité à la Maison Blanche pour montrer qu'avec Styron, avec Mailer, etc., il faisait partie des grands noms américains. Est-ce qu'il était du genre à avoir des contacts avec les intellectuels tout aussi engagés, tout aussi militants que lui, aux États-Unis, en Europe et dans le monde? Alors, il a correspondu avec Sartre au moment de la mise en scène de Les Sorcières de Salem. Et donc, il avait toute une panoplie d'amis dans le monde artistique et le monde culturel. Sa troisième épouse est photographe et assistante de Cartier-Bresson. Donc, ils ont un appartement à Paris. Et donc, cet appartement leur sert de pivot pour recevoir l'intelligentsia et le théâtre européen. Et donc, Laurence Olivier, etc., sont leurs amis et leurs invités. Donc, il est loin d'être isolé. Mais quand il est aux États-Unis, dans sa propriété de la campagne de Roxbury, il travaille tout le temps. Ce n'est pas un mondain. Il est là pour travailler et lorsqu'il est ailleurs, il travaille aussi. Arthur Miller au travail et au théâtre, on verra ça demain dans le troisième épisode de cette série avec l'universitaire Liliane Kerjean, spécialiste de la littérature américaine. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Illustrateur, peintre, dessinateur, mon invité de ce matin a-t-il lu, aimé Arthur Miller ? Bon, alors ? Eh bien, dans la famille Miller, en fait, je serais plutôt Henri que Arthur. Ah bon ? Dernièrement, je crois que je l'ai cité parce que plus en fait je vieillis, parce que je vieillis quand même, il faut l'avouer, hein. 54 ans, ça commence à compter, et je m'aperçois que je deviens de plus en plus contemplatif et calme. Et Henri Miller avait dit que quand il était jeune, il voulait changer le monde. Et à tout prix, et avec ses petits bras, il s'énervait à vouloir changer le monde. Et puis qu'en fait, en vieillissant, j'ai aperçu que la bonne technique, c'était de faire la planche. Le monde, on le change pas, il est comme il est. Et on devient un petit peu plus passif et on le regarde et c'est pas plus mal. Alors qu'Arthur Miller, jusqu'au bout, il y croyait au changement et c'est bien d'y croire. Ah mais oui, oui, sûrement. Mais à un moment donné... Je sais pas, c'est pas qu'on baisse les bras, mais on peut, se poser, regarder, devenir plus contemplatif, et voilà, c'est pas mal. Oh là, qu'est-ce que vous nous faites de bon matin, François? Ça va ou pas? Mais non, tout va bien, je suis en pleine forme. En tout cas, bonjour, merci d'être venu. Je rappelle que jusqu'au 22 novembre, la galerie Huberti et Brenne met à l'honneur une trentaine de vos dernières créations, des toiles, des dessins, autour d'une réflexion sur le cadre, sur le tableau dans le tableau. Oui, c'est ça, over the window, ça voulait dire aussi au-delà de la fenêtre et du cadre. Et c'est un thème là, bon, que j'ai développé qui existe, hein. C'est pour moi qu'il est inventé, hein, ce tableau dans le tableau. Mais je l'avais parfois un petit peu traité, et là j'ai décidé de l'explorer un petit peu plus dans le cadre d'une exposition complète. Oui, c'est toujours amusant ça. Moi, quand je vais dans un musée, j'ai beaucoup de plaisir à voir le tableau exposé, mais parfois je prends un peu de recul et j'adore voir les gens regarder le tableau. Et je commence à penser à une composition en regardant ces gens, en fait, ces petites silhouettes qui elles-mêmes contemplent le tableau. Que représente pour vous, François Avril, le cadre justement ? Pour vous, c'est une limite ou au contraire, ça a une autre signification ? Ah, c'est bien ça, oui, c'est vraiment une limite, oui, forcément, il y a la limite du cadre de la toile ou du papier, donc oui, c'est une limite, mais le cadre, il faut s'inscrire à l'intérieur et donc résoudre, pour moi, dans mon cas, une composition. Et comme je suis très attaché à la composition, effectivement, les bords du cadre qu'on s'est défini, c'est très important, quoi. Parfois, d'ailleurs, même dans une toile, là, ça s'arrête vraiment très net. Donc, je crois que la composition est encore plus rigoureuse dans une toile que dans un dessin. Que dans un dessin où on laisserait un petit peu de marge ou du blanc du papier, le dessin peut flotter et on peut trouver ça très, très harmonieux ou élégant, je ne sais pas, mais effectivement, la toile, c'est sans pitié. On retrouve en tout cas votre trait, votre univers, votre amour des buildings, on peut le dire. Oui, la ville, on va dire, oui. La ville, les buildings, oui, en fait, c'est très bizarre. J'ai pas une passion non plus normalement pour les buildings. Je détesterais vivre dans un building. Mais pourtant, ils sont tellement présents dans votre univers. Oui. Parce que pour moi, ce sont des blocs, des cubes que j'agence comme ça, les uns à côté des autres. En plus, il n'y a pas toutes les fenêtres. Ce sont des meurtrières. On souhaite pas vraiment vivre dans ces espaces-là, mais... Pour moi, ce sont des prétextes à des compositions. Ouais. J'ai même fait un dessin dans l'exposition où j'ai fait comme des buildings sur un bord de mer. Pour les besoins d'une composition. Mais je peste contre les gens qui construisent des buildings sur les bords de mer. Donc, tout ça n'est pas très logique, en fait. Mais comme je dessine des endroits qui n'existent pas, je compose un peu... Mais je peux trouver de la poésie dans des buildings. Hier, j'étais sur la route encore, j'ai vu une sorte d'usine très, très bizarroïde avec des pans coupés, etc. Elle prenait bien la lumière. Je me suis arrêté pour faire une photo. Et je suis sûr que tous les gens qui passent devant trouvent cette usine horrible. Mais moi, je la trouvais belle. Et j'aurais beaucoup de plaisir à la dessiner. Mais je l'ai fixée dans ma mémoire. Et vous l'avez trouvée belle, cette bâtisse, parce que c'est une question de lumière ou c'est une question d'architecture ? D'architecture d'abord. Il y avait une belle lumière donc, mais d'architecture, je suis sûr que le type qui a pensé ce bâtiment n'a pas eu trop de soucis d'esthétisme. en tête. Mais au bout du compte, les formes étaient harmonieuses. Tous ces grands bâtiments aussi avec des silos, j'ai toujours été tenté par ça. Oui, mais j'aime bien l'architecture industrielle, en fait, étonnamment. Et comme je dis, c'est toujours plus facile de partir d'une matière a priori moins belle, parce qu'on ne peut que l'embellir, alors que si vous partez d'un bâtiment mais somptueux, moi, je vais l'abîmer, en fait, il sera moins beau. Donc, et puis en plus, comme je stylise, si vous me demandez de dessiner le Grand Palais, par exemple, avec sa verrière, je vais traiter le sujet différemment, quoi. Puisqu'on parle de sujet, François Avril, à quel moment vous décidez qu'une représentation que vous voulez nous livrer doit passer plutôt par le dessin que par la peinture? C'est vraiment principalement une question de format. Le dessin, on est assis, même que moi, bon, admettons debout, mais il y a passé une feuille de 80 cm sur 50, et encore. C'est plus possible, en fait. Il faut relever, en fait, le plan, et dans ces cas-là, se mettre sur un chevalet, et du coup, la toile commence à s'imposer parce que la feuille ne tient pas bien. C'est en fait une question presque de format. C'est-à-dire que dès que je commence à travailler sur des formats plus grands, la toile s'impose. C'est pour ça que je fais pas une grande séparation entre ma peinture et mes dessins. C'est-à-dire que ma peinture reste quand même une peinture de dessinateur. Il y a toujours un trait bien présent. Et c'est en fait c'est plutôt une question de format qui me fait passer à la peinture. Et pour les couleurs, est-ce que ça change pas radicalement de passer de la feuille à la toile? Si, bien sûr, oui. Dans le dessin, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus gestuel, tout est beaucoup plus rapide, les limites sont... Alors que là, pour garder un geste, c'est très compliqué, ou alors il faut avoir développé une technique très gestuelle, ce que je n'ai pas fait. Elle est très composée, très pensée, donc elle est beaucoup plus, oui, pensée et calme, en fait, ma peinture. Mes dessins peuvent être beaucoup plus lâchés, et oui, c'est différent là, de ce côté-là. Wa-da-da-dee-dee-dum-da-dum. Wa-da-da-dee-da-da-dum. Vous connaissez le principe, François Avril. On pioche trois questions. J'allais dire trois chansons. Trois questions. Allez. C'est remué, là, cette boîte. Hein. Ouais, tout est remué. Allez, première question. Oh là là, quel est votre écrivain de prédilection? J'en ai pas. Non, j'ai pas un livre que j'emmènerai ou que je relis. Non. Je sais pas. Mais qui dit un auteur, c'est pas forcément la littérature, ça peut être un dessinateur, un auteur de bande dessinée. Vous qui ne faites plus justement de bande dessinée depuis quelques années, François Avril. Bon, je sais pas, alors je dirais Sampé, là. Je dirais Sampé parce que là, je suis allé il y a deux jours à son exposition et qu'il était là, et bon, il est un petit peu fatigué, mais c'est un personnage tellement impressionnant. Et voilà, quoi. Donc, on a passé la soirée un petit peu ensemble, et bon, je ne lui parle pas, on va dans un endroit. mais voilà, c'est quelqu'un, à mon avis, qui est vraiment qui compte et qui comptera. Quand il va partir, on va s'apercevoir du vide qu'il a laissé et surtout, en tout cas, de la masse de livres et son importance. Enfin bref, quelqu'un pour moi de très important, oui. Deuxième question. Pour quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie? Il y en a plusieurs. Mais il y en a qui ne sont pas très connus. C'est pas grave. Il y a les Dalton, déjà. Bête et méchant, mais c'est un bonheur. Vraiment. Ce sont mes Lucky Luke préférés. De toute façon, ceux scénarisés forcément par Goscinny. Comme tous les Astérix. Et ces personnages-là, d'ailleurs, que Maurice, je crois, avait fait mourir. Et quand Goscinny a récupéré la série, il a dit mais t'es fou, ces personnages sont formidables. Donc il les a fait revenir en les appelant les cousins Dalton. C'est-à-dire que c'était les mêmes, mais c'était les cousins Dalton. Bon, autrement, il y en a un autre. Le jeune Albert aussi, de Chaland. Je me sens très proche sorte de teigne comme ça. D'ailleurs, Isabelle Chaland, la veuve d'Ichaland, m'avait proposé, alors qu'elle ne l'aurait pas proposé, je crois, à beaucoup de monde, de reprendre le personnage, et avec mon style. C'est toujours quelque chose qui me trotte dans la tête, ça. Autrement, il y a Buster Brown. Alors là, c'est très ancien, américain. C'est début du 19, dans les années 1900, début de, voilà, du siècle dernier. Et un petit personnage espiègle d'une bonne famille, mais dans lequel je me suis beaucoup retrouvé. J'ai découvert ces albums-là chez ma grand-mère, et c'est même ces albums-là qui m'ont donné envie de faire à la fois de la bande dessinée, du dessin. Oui, il faut lire Buster Brown. Troisième et dernière question, François Avril. Je triche pas. Aimeriez-vous changer de ville ? Ben, il y a quelques années, j'aurais dit non. Je suis né à Paris et je me sens bien à Paris. Et là, avec le temps, eh ben, je change de ville naturellement, puisque j'ai un atelier aussi à Bruxelles, pour des raisons de commodité, de place pour travailler. Et donc, je change de ville tout le temps. Et là, en quittant l'émission, je vais partir en Bretagne, un petit peu me reposer, donc à Perros-Guirec. Et donc, je change en fait de ville beaucoup plus facilement et naturellement, mais j'ai reproduit dans chaque ville aussi un lieu pour pouvoir travailler, en fait. Merci beaucoup, François Avril. Allez, c'est déjà la fin de l'émission. Générique de fin par mon invité. Alors, c'était un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, tous les matins à 6h, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast. Vous ne podcastez pas encore ? Comment ? Vous ne podcastez pas encore ? Si, bien sûr. Mais ça s'appelle podcast. C'est impossible à lire, ça. Disponible sur franceculture.fr. Pour vos remarques, suggestions et interrogations, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux habituels. C'est-à-dire ? J'en sais rien, c'est pas marqué. Facebook et Twitter, allez. Mais moi, je ne suis pas ni Facebook ni Twitter. Et donc, Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. À la technique, Bernard Laniel, une réalisation de Thomas Duterre. Bah bravo, bah voilà. Et puis avec, bien sûr, Toufik Hakem. Merci François Avril. On adore. Demain, on se retrouve pour la suite de la série consacrée à Arthur Miller. Et en deuxième partie, je vous parlerai d'un grand metteur en scène hongrois que la Cinémathèque honore en ce moment. Bonne journée sur France Culture.